Dialogue 1. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine. Je suis votre guide. Bienvenue à Bordeaux. C'est parti pour la visite de la ville. Nous sommes ici dans un quartier historique avec des monuments et des rues commerçantes. C'est le quartier Saint-Pierre. Ici, c'est la place Saint-Pierre. Et là-bas, il y a le fleuve et les quais. Allez, en route! Vous voyez le théâtre à gauche? C'est le Grand Théâtre. Excusez-moi, j'ai une question. Le Grand Théâtre, c'est un théâtre ou un opéra? C'est un théâtre et un opéra. Il s'appelle le Grand Théâtre ou l'Opéra National. Ah, d'accord. Merci. Dialogue 2. Bon, alors, on continue? Oui. Voici la tour Paix-Berland et voilà la cathédrale Saint-André. Waouh, c'est magnifique. Et ça, c'est quoi? C'est le musée d'art contemporain? Le CAPC? Non, pas du tout. Le musée loin d'ici.